Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching. L'âge avançant, on peut physiquement constater quelques changements. Les cheveux blancs, les rides, les douleurs articulaires, fatigue musculaire et j'en passe. Du bonheur. Pour ce qui est de notre façon de penser, on le dit assez souvent, un petit peu peut-être comme pour se rassurer, l'âge c'est dans la tête. Mais quand on n'est pas né dans le même monde, il n'y a pas que le nombre d'années qui sépare les générations qui peuvent vivre sous un même toit, voire une même entreprise. Alors, comment composer et s'entendre avec les autres générations? Un nouveau sujet pour Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié. Stéphane, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Émilie, bonjour à tous, très bien, merci vous. Très bien, je vous remercie. Allons tout de suite dans le vif du sujet. Brièvement, pouvons-nous définir tout d'abord les différentes générations dont nous parlons? Les différentes générations se distinguent dans un premier temps par leur période respective de naissance, sont dénommées actuellement quatre catégories qui sont dans l'ordre les baby-boomers, nés après la Seconde Guerre mondiale entre 1946 et 64, la génération X, née entre 65 et 79, la génération Y, née entre 1980 et 2000, et enfin la génération Z, née à partir de l'an 2000. Maintenant qu'elles sont identifiées, Stéphane, pourquoi sommes-nous si différents dans notre façon de faire et de penser? Chaque génération est née et a grandi dans un contexte bien particulier et très différent. Les mentalités, les politiques, les modes d'éducation sont très différents d'une époque à l'autre. Les enseignements à l'école et l'éducation familiale sont différents, tout comme les valeurs et les besoins qui n'ont rien à voir d'une génération à l'autre. Nous comprenons bien qu'un jeune de 20 ans à notre époque n'a pas du tout les mêmes préoccupations et aspirations qu'un jeune adulte des années 60. Tout cela conditionne l'état d'esprit et le fonctionnement général. Pour autant, Stéphane, peut-on créer du lien entre les générations et le maintenir? Comment briser la glace? L'une des clés pour créer du lien entre les différentes générations est l'écoute et l'empathie. L'idée est de tendre activement l'oreille à ce que dit, ressent et exprime en matière de besoin un être d'une autre génération et de s'efforcer à le comprendre, même si sa vision des choses et du monde nous paraît complètement aberrante. C'est faire preuve de tolérance. Et pour aller plus loin, partageons et penchons-nous sur des centres d'intérêt des autres générations, la cuisine, le jardinage pour les générations des seniors, et le gaming, le rap, les mangas pour les plus jeunes, par exemple. Ainsi, ils se sentent écoutés et peut-être mieux compris, un moyen pour nous d'être accueillis dans leur sphère. Et comment, en tant que senior, s'inspirer de la jeune génération ? Je crois que nous avons tous à apprendre de tout, sur tout et de tout le monde, quelles que soient les générations. Il n'y a rien de pire que de croire tout savoir sur tout. L'idée est de se placer dans le rôle d'un novice, quel que soit notre âge, et interroger les autres quant à leur passion, leur savoir-faire. Dans cette démarche, nous pouvons apprendre des jeunes générations qui, sur certains sujets, sont beaucoup plus à l'aise que nous, comme la pratique numérique, par exemple, l'approche quant à l'environnement, la prise de recul, le développement personnel, la communauté. A contrario, Stéphane, comment les aînés peuvent-ils transmettre leur expérience, leur ligne de conduite, sans paraître dépassés, hors sujet, voire, oserais-je le dire, ringards? Là, c'est... Ah, car il faut être, pour être entendu, d'abord susciter l'intérêt chez le jeune. Transmettre une expérience ne sera efficace que dans le cas d'une complicité déjà bien établie et ou lors d'une demande, d'un besoin réel de la part du jeune. Sinon, il suffit de simplement citer des exemples de conduite qui ont fonctionné pour vous et le jeune picorera dans les idées qu'il essayera et s'appropriera. Peut-être à loisir. Rentrons dans le dur. À présent, Stéphane, comment désamorcer un conflit intergénérationnel et revenir au dialogue, le fameux « de toute façon, tu ne peux pas comprendre ». Je vous renverrai à la réponse de la question 3. Comment créer du lien intergénérationnel? L'idée est de tendre activement l'oreille et avant de parler, de se mettre en mode écoute active et empathie et s'efforcer de comprendre l'autre avant de vouloir passer ses propres visions des choses. Se pose également la question en entreprise, comment composer avec tout ce joyeux monde et constituer une équipe de choc quand on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 4 générations qui sont sous la même entreprise. L'idée de tendre activement l'oreille et de se mettre en mode écoute active et empathie reste valable également en entreprise, d'autant plus que, comme vous le dites, cohabitent de nombreuses générations, 3 voire 4, et à tous les niveaux de l'organigramme, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des jeunes sous des anciens, mais aujourd'hui, il peut y avoir des anciens sous le commandement de plus jeunes. L'accent sera mis sur une personnalisation du management, car le fonctionnement de chacun est différent, les valeurs et les besoins étant également différents, les propositions seront différentes et ajustées à chaque individu qui demandera une stratégie de motivation personnalisée. En tant que chef d'entreprise, peut-on transmettre aux différentes générations une même vision de l'entreprise et de ses objectifs ? Il est utopique de vouloir faire adopter une vision commune de l'entreprise à différentes personnes, de surcroît de générations différentes. Par contre, sur l'objectif, s'il a du sens pour tout le monde, il est possible de faire converger les énergies de tout le monde pour l'atteindre. Et heureusement, car peu de projets aboutiraient. L'idée est de jouer sur la complémentarité des compétences de chaque collaborateur, même de générations différentes, d'organiser le partage des expériences, même pour un jeune qui sort de l'école, et de créer une dynamique collaborative dans l'équipe. Nous parlons là d'émergence des talents et d'intelligence collective. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel si vous en ressentez le besoin sur ce type de problématique. Merci Stéphane. Et c'est très juste Stéphane, vous le disiez, si vous rencontrez des difficultés à communiquer avec votre entourage, que ce soit sous le toit de votre maison ou encore en entreprise, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un coach qui saura vous apporter les clés. C'est ce que vous proposez Stéphane en consultation privée, totalement personnalisée, pour répondre aux besoins et attentes de chacun, pour les particuliers et les professionnels, c'est bien ça ? Bien sûr. Pour les professionnels sous forme de coaching ou de formation, et pour le particulier, de l'accompagnement, du coaching personnalisé. Pour vous contacter, rien de plus simple, vous pouvez aller consulter le site internet de Stéphane, stéphane-6-maçon.fr, stéphane-maçon.fr. Vous pouvez également le retrouver sur son compte Instagram, stéphane.maçon.fr. Coach, on vous remet bien sûr toutes ces informations-là dans le descriptif de cette vidéo. Stéphane, un grand merci pour ce nouveau sujet. Avec plaisir, Amélie. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. À bientôt, au revoir.